19h30, observation. Claire. Mireille trouve Robert sympa. Robert plaît à Mireille. Elle le trouve sympa. Il lui plaît. Mireille aime les sciences naturelles. Les sciences naturelles plaisent à Mireille. Elle les aime. Elles lui plaisent.